Introduction 2. À propos d'une édition du Nibelungenlied publiée en 1827 par Karl Simrock, Goethe a tracé en quelques lignes le programme des questions que soulève l'examen de ce poème. Nous essaierons de les traiter en suivant à peu près l'ordre qu'indique le grand poète, qui était aussi un critique éminent très versé dans l'histoire des origines de la littérature allemande. L'œuvre, dans la forme où elle nous est parvenue, date, suivant Lachmann, des premières années du XIIIe et, d'après d'autres érudits, de la fin du XIIe siècle. Lachmann fixe la publication du poème vers l'an 1210 parce que l'auteur s'est servi des noms de pays Azagouk et Zazamank, qui ne se rencontrent que dans le Parzival, où ils ont dû être pris suivant le savant critique. Mais M. Holtzmann, Untersuchungen über das Nibelungenlied, page 82, dit que ces deux noms ont pu être empruntés par Wolfram von Eschenbach, auteur du Parzival, à des sources antérieures qui nous sont restées inconnues. En tout cas, la mention qui est faite de Vienne comme d'une ville riche et importante ne permet pas de reculer la composition du poème dans sa forme actuelle avant le XIIe siècle, car ce n'est que du milieu de ce siècle que date le développement de cette ville. Elle fut rédigée par conséquent à l'époque des Hohenstaufen, quand les lettres, les arts, l'architecture et le commerce se développèrent sous l'influence des croisades et des relations avec l'Italie et avec l'Orient. Le dialecte souabe, déjà un peu assoupli, était devenu la langue des cours. Les poésies des troubadours, que Frédéric II aimait tant, et les romans en langue d'oc et en langue d'oil avaient répandu le goût des compositions chevaleresques. Aussi, quand on eut adouci les traits trop rudes de l'antique tradition des Nibelungen et qu'on l'eut revêtu des couleurs qui charmaient la haute société féodale de l'époque, le poème dut avoir un grand succès. Ce qui semble le prouver, c'est le nombre et la beauté des manuscrits qu'on en a découverts et dont les plus remarquables, celui de Saint-Gall, les deux de la bibliothèque de Munich et celui de Lasberg, que cet ami enthousiaste des lettres fit transcrire dans une salle de son château, ont été écrits au XIIIe siècle. Indépendamment de ces quatre manuscrits, on en a retrouvé encore 16 autres contenant soit le poème en entier, soit seulement des fragments. Parmi ceux-ci, il en est un en flamand de la fin du XIIIe siècle, découvert à la bibliothèque de Gand, dans la couverture d'un vieux volume relié, preuve nouvelle de la vogue qu'obtint l'œuvre dans tous les pays de langue germanique. La question de savoir qui est l'auteur du Nibelungenlied et où le poème a été composé a donné lieu à de longs débats qui révèlent une ingénieuse érudition, mais qui n'ont abouti à aucun résultat positif. Quelques auteurs ont mis en avant un nom propre, Heinrich von Ofterdingen, qui, d'après les uns, aurait appartenu à une famille patricienne de Mayence et d'après les autres, à une maison autrichienne. D'autres critiques ont soutenu que l'auteur devait avoir vécu dans les pays qui bordent le Danube, parce que dans le récit du voyage de Kriemhild vers la cour d'Etzel, toutes les étapes sont décrites avec une exactitude géographique qui révèle un habitant de la contrée. Mais le savant Lachmann, esprit profond et caustique, se moque de ces hypothèses peu justifiées à son avis, car, dit-il, on attribue à un personnage qui est presque un mythe une composition qui ne peut être l'œuvre d'un seul poète. Il est arrivé pour l'auteur du Nibelungenlied ce qui avait eu lieu dans l'Antiquité pour celui des poèmes homériques. À défaut d'indications positives, chaque pays de l'Allemagne a revendiqué tour à tour l'honneur d'avoir donné le jour au créateur de l'œuvre, dont s'enorgueillissait la race entière. Mais jusqu'à présent, aucun d'eux n'a pu établir ses titres à cette glorieuse paternité. D'après l'éminent critique que nous venons de citer, l'obscurité qui couvre le berceau du poète s'expliquerait facilement, et il serait même inutile de chercher à en pénétrer le mystère. Appliquant le système de Wolf dans toute sa rigueur, Lachmann prétend que le Nibelungenlied n'est pas l'œuvre originale d'un poète inspiré, mais qu'il est formé de l'assemblage de 20 chants anciens conservés par la tradition populaire, réunis avec une certaine habileté, et coupés en 39 aventures, comme nous le voyons actuellement. Ce travail de compilation exigeant peu de génie et ne différant guère des éléments préexistants, il ne faut point s'étonner si celui qui l'a accompli ne s'est pas acquis assez de gloire pour que son nom soit arrivé jusqu'à nous. Développé avec une finesse d'aperçu et une abondance de remarques critiques de nature à frapper l'esprit, l'opinion de Lachmann fut adoptée et défendue par une école nombreuse et acceptée presque généralement par le public lettré comme une vérité démontrée. Elle s'appuyait principalement sur certaines contradictions contenues dans le récit, notamment touchant l'âge de Kriemhild et de Dankwart, sur les oublis de l'auteur concernant quelques personnages importants, sur la différence de ton des diverses parties de l'œuvre, enfin sur l'opposition qu'on peut remarquer entre certaines strophes très énergiques et réellement belles provenant des chants primitifs et d'autres strophes plates et vulgaires, simples remplissages destinés à relier les parties anciennes entre elles. Le système de Lachmann qui, dès qu'il parut en 1816, souleva une opposition assez vive, mais trop superficielle, a rencontré en ces derniers temps des contradicteurs ardents, convaincus et érudits, qui n'ont pas craint de suivre l'illustre critique sur son terrain et de discuter en détail et en pesant, pour ainsi dire, chaque mot du texte, toutes les preuves que Lachmann invoquait. L'antique épopée germanique est-elle l'œuvre d'un poète ou n'est-elle que la réunion d'anciens chants reliés les uns aux autres? Y a-t-il un Nibelungenlied ou seulement des Nibelungenlieder? Outre les publications citées en tête de cette étude, on peut consulter encore H. Fischer, Nibelungenlied oder Nibelungenlieder, Zarnke, Beiträge zur Erklärung und Geschichte der Nibelungenlieder, R. von Lilienkron, Über die Nibelungenhandschrift, 1836. Filmar, Reste der Alliteration im Nibelungenlied, 1856. Tel était l'objet du débat scientifique, parfaitement soutenu de part et d'autre, et qui n'est pas encore terminé. Nous ne pouvons entrer ici dans l'examen détaillé de ces recherches parfois minutieuses de l'érudition. Il suffira d'indiquer en quelques mots les conclusions qu'en peut tirer un lecteur impartial. On ne peut le nier, ce que le système de Lachmann avait d'excessif et de trop déterminé ne semble pas pouvoir résister à la critique à laquelle il a été soumis. On a montré, en effet, qu'il était impossible de distinguer toujours sûrement les chants primitifs des parties qui auraient été ajoutées postérieurement et de classer exactement les strophes suivant leur origine. On a fait voir aussi que les contradictions qu'on avait signalées se réduisait à une ou deux circonstances très accessoires, dont on ne peut inférer légitimement que le Nibelungenlied n'est qu'un assemblage de chants populaires. Enfin, quoique Lachmann soutienne le contraire, l'ensemble du poème révèle, sinon un grand poète, au moins la pensée personnelle d'un auteur qui a rédigé librement et qui a disposé d'après un plan suivi les épisodes que lui livrait la tradition. Il y a, il est vrai, des strophes plus faibles les unes que les autres, et le ton de la première partie n'est pas tout à fait celui de la seconde. Néanmoins, quand on lit le poème entier, il est impossible de ne pas y reconnaître l'intervention d'une même intelligence et d'une même conception. Toutefois, ces restrictions faites, le fond de l'opinion de Lachmann reste inattaquable. Si le Nibelungenlied n'est pas un assemblage de chants populaires cousus ensemble par un vulgaire compilateur, il paraît du moins certain que le poète qui a composé ce poème en a puisé les éléments, déjà tout formés, non point dans une tradition vague et informe, mais dans des compositions poétiques antérieures, qui étaient peut-être en partie des chansons populaires, mais plus probablement des chants cycliques, assez rapprochés de la rédaction actuelle. A-t-il également cherché des inspirations dans des sagas écrites soit en langue vulgaire, soit en latin, comme l'a fait l'auteur de la Klage? Quoi qu'on n'en ait pas de preuve directe, cela est assez probable, car la Klage elle-même est le résumé de la tradition des Nibelungen, faite d'après une recension latine qui différait du poème que nous possédons. L'autorité que l'auteur des Nibelungen invoque, ce sont les anciennes traditions « Uns ist in alten Möhren wundersviel gesagt », sans qu'on puisse décider d'après ces mots sous quelle forme il a eu connaissance de ces légendes. Dans ses peintures monumentales de Munich, M. Schnorr a admirablement symbolisé les sources où a puisé l'auteur du Nibelungenlied. Il représente le poète ayant à sa droite une jeune fille aux cheveux blonds, couronnée de feuilles de chêne, chantant sur sa harpe les exploits des aïeux. Belle, inspirée, semblable à une prêtresse de Teutsch, à Tusfelda, la fiancée d'Hermann, à sa gauche une vieille, un fuseau à la main, toute courbée par l'âge, mais agréable encore, malgré le poids des ans qui semble peser sur elle. La jeune fille, c'est la tradition épique dans toute la fraîcheur de l'inspiration première. C'est la chanson populaire qui, animée par les accords de la musique, remplit tout un peuple d'un juvénile enthousiasme. C'est la saga. La femme âgée, c'est encore la tradition héroïque, mais vieillie, refroidie, devenue un récit en prose qui ne se chante plus au jour de fête ou de combat, mais que la grand-mère raconte le soir à la veillée, au coin du foyer. C'est la meure. Pour sentir combien la figure symbolique dessinée par Schnorr rend bien la pensée, il suffit de se rappeler que le recueil des traditions mythologiques et héroïques des peuples du Nord a pour titre Edda, mot qui signifie grand-mère, et sapience dans le sens de connaissance, proavia et sapientia. La tradition épique sous forme de poésie populaire et sous forme de récits en prose, voilà véritablement la double source d'où est sorti le poème des Nibelungen. L'étude comparée des littératures primitives de l'Inde et de la Grèce a conduit aux mêmes conclusions. M. Adolphe Pictet, dans le remarquable travail dont nous avons déjà cité un passage, résume dans les termes suivants les résultats auxquels est arrivée l'étude de l'épopée grecque. Les poèmes homériques tels que nous les possédons ne sont certainement pas la création immédiate, complète, individuelle, d'un seul et même auteur. Leur base primitive a été un ensemble, très riche assurément, de chants héroïques nationaux, produits anonymes de la muse des Aèdes ou chanteurs dans les diverses parties de la Grèce. Ces chants agglomérés, peu à peu réunis en petits poèmes épiques de plus en plus étendus, ont trouvé dans le génie supérieur d'une grande individualité poétique un Homère, un coordonnateur qui les a élevés en quelque sorte à leur plus haute expression, sans leur enlever leur caractère purement oral et traditionnel. L'étymologie généralement adoptée par les hellénistes pour le nom d'Homère l'a fait dériver des deux mots « avec » et « arranger, disposer ». Il est remarquable que le nom de l'auteur plus ou moins mythique de Mahabharata, Vyasa, ait la même signification. Il faut donc admettre deux forces qui ont concouru à l'achèvement des épopées homériques, l'une de création spontanée et primitive, l'autre d'arrangement réfléchi et subséquent. Ces deux forces, dans leur ensemble, ont été mises en jeu par un effort collectif du génie national grec, ce qui n'exclut pas l'influence prépondérante d'un grand génie individuel immortalisé sous le nom d'Homère. Si maintenant on veut analyser ces sources diverses pour les Nibelungen, on n'est pas arrêté par le manque de documents, comme on l'est pour les épopées de l'Antiquité. En effet, la tradition héroïque qui fait le fond du Nibelungenlied est également le sujet de compositions d'une époque et d'une nature très différentes, notamment de 15 chants de l'Edda de Sæmund, qui remonte au XIe siècle, de la Volsunga Saga et de la Vilkina Saga, recueils en prose du XIIe et du XIIIe siècle, de plusieurs Märchen, entre autres du Herner Siegfried, qui datent de la fin du Moyen Âge, enfin des Sigurdlieder des îles Faroé qui se chantent encore de nos jours. De ces curieux monuments littéraires, tous, sauf les moins importants, les Märchen, sont parvenus jusqu'à nous, en langue scandinave. C'est dans les chants de l'Edda recueillis en Islande que nous trouvons la tradition épique concernant Siegfried avec ce caractère de grandeur, d'énergie, de force archaïque qu'elle devait posséder à l'origine. Les guerriers les plus indomptables de la Norvège, fuyant au IXe siècle le joug du conquérant Harald Haarfagr, avaient fait refleurir avec une vie nouvelle, dans cette île perdue au milieu des glaces du Nord, les mœurs, les croyances, les souvenirs héroïques de leur race. C'est là que furent rédigés d'abord, avant que l'influence des idées chrétiennes les eût modifiées, les chants antiques qui continuèrent, en Allemagne, à être transmis oralement de génération en génération, mais qui y perdirent peu à peu tous les traits qui rappelaient trop vivement les croyances ou les usages du paganisme germanique. La Volsunga Saga, qui raconte en prose l'histoire de Siegfried et de ses aïeux, les Volsungen, descendants d'Odin, complète les indications de l'Edda et paraît avoir été puisée aux mêmes sources. La Niflunga Saga, dans la Vilkina Saga, s'éloigne au contraire des données de l'Edda pour se rapprocher de celle du Nibelungenlied. Dans les Märchen allemands, la traduction héroïque est rabaissée au niveau des contes d'enfants. Et Siegfried, le demi-dieu des légendes anciennes, le vainqueur du dragon Fafnir, n'est plus tantôt qu'un bon compagnon qui, en apprentissage chez un forgeron, fend les enclumes d'un coup d'épée. Tantôt même qu'un bouvier ou un porcher, quantum mutatus ab illo, dont un bain dans la boue de Sala rend la peau dure comme de la corne et invulnérable, et qui acquiert ainsi gloire, richesse et puissance. Les chants des îles Faroé sur Sigurd Brunhild et Hogni se rapprochent plus de l'inspiration héroïque de l'Edda, mais fréquemment la force y dégénère en exagération et le sublime en gigantesque. Ces chants, signalés en 1817 par le candidat en théologie Lyngby, pendant une excursion qui avait pour but l'étude de la flore des Faroé, furent publiés par lui en 1822. Depuis lors, C.A. Hammersheim les a recueillis avec un soin plus grand et une connaissance plus approfondie de la langue. Les héros n'ont presque plus des proportions humaines. Sigurd, par exemple, déracine des chênes et s'en sert comme d'une massue pour abattre ses ennemis. Néanmoins, le ton dominant est toujours celui des poésies populaires des cycles épiques du Nord. Tous ces faits prouvent manifestement que les sources du Nibelungenlied sont bien, comme on l'a dit, des chants héroïques, puisque nous possédons une partie de ces chants dont les uns remontent au 8e siècle et dont les autres se chantent encore aujourd'hui, mais qui tous célèbrent les héros et les aventures de ce poème. Maintenant, il faudrait chercher où se sont produits d'abord ces chants et surtout quelle est la patrie de la tradition, de la saga qu'ils contiennent. Quoique les compositions les plus anciennes ayant trait au Nibelungen nous soient parvenues seulement en langue scandinave et portent l'empreinte des mœurs du Nord, elles n'appartiennent pas cependant au peuple qui nous en a conservé le plus ancien souvenir. À cet égard, le doute n'est point possible. La Vilkina Saga, dont le récit est presque de tout point conforme à notre Nibelungenlied, dit en propre terme dans le prologue qu'il est composé d'après les informations d'hommes allemands venus de Brême, de Münster et de Soest et d'après les anciennes chansons qu'ils se plaisent à répéter. L'auteur islandais invoque ses sources dans plus de 12 passages différents. Il affirme que la saga qu'il rapporte est une des plus remarquables que l'on connaisse en Allemagne et qu'en Saxe, chacun raconte ses traditions de la même manière à cause des anciennes chansons que personne n'ignore. Comme par le terme employé ici, « pays des Saxons », on entendait à cette époque non la Saxe actuelle, mais la contrée qui s'étend le long de la mer du Nord. On peut déjà conclure de ces passages que les chants héroïques et la saga appartiennent à l'Allemagne septentrionale et non à la Scandinavie. Il y a plus, les critiques les plus compétents, Wilhelm Grimm et Lachmann en tête, s'accordent à reconnaître dans la tradition épique qui concerne Siegfried une saga franque qui doit remonter à l'époque où les Francs-Saliens étaient établis non loin de la mer du Nord. Dans les monuments les plus anciens, les deux Edda, la Volsunga Saga, la Nornagest Saga, Sigmund et Sigurd, sont représentés comme rois dans le Frankenland. C'est dans le Rhin que Sigurd plonge son épée Gram pour voir si elle coupera en deux un flocon de laine que le courant amène contre le tranchant de la lame. C'est près du Rhin que le héros est tué. C'est dans ce fleuve qu'est précipité le trésor. Sigurd est appelé « homme du midi » et il l'était en effet pour les habitants de l'Islande. Les Volsungen, les ancêtres de Sigurd, sont des chefs du Frankenland. Dans les traditions allemandes, les mystérieux Nibelungen sont considérés comme des Francs des bords du Rhin. C'est en vain qu'on s'est efforcé de déterminer au juste qui étaient les Nibelungen. D'après l'étymologie, ce nom se rapporterait à des hommes des brouillards ou des ténèbres et ne serait pas sans relation avec le Niflheim, l'enfer scandinave. D'après l'Edda, les Niflungen sont les rois du Rhin, Gunnar et Hogni. Dans le Nibelungenlied, ce nom est appliqué d'abord à des guerriers qui, habitant vers le nord, gardaient le fameux trésor et que Siegfried s'est soumis après avoir tué les rois Nibelung et Schilbung. Dans la seconde partie du poème, le nom de Nibelungen est appliqué au roi Burgonde, à Gunther et à ses guerriers. Dans le Valtarius, Gunther et Hagen sont désignés tantôt comme francs, tantôt comme sicambres, tantôt comme des francs Nibelungen. La seule chose qui ressorte clairement de toutes ces indications, c'est que la saga des Nibelungen est une tradition franque. Dans le Nibelungen Not, Siegmund réside à Santen, sur les rives du Rhin inférieur, et Siegfried est nommé le héros du Niederland, c'est-à-dire des Pays-Bas. Quand on compare ces témoignages divers, et surtout quand on considère que la saga, qui ordinairement confond les noms et change à son gré les indications géographiques, témoigne encore, même dans la lointaine Islande, des lieux où elle a pris naissance, on doit bien admettre que les légendes sur Siegfried et Brunhild appartiennent originairement aux Francs saliens. Les traditions qui dominent dans la seconde partie des Nibelungen et qui se rapportent à Gunther, à ses frères et à leur lutte contre les Huns d'Etzel sont probablement une saga burgonde et celle qui concernait Dietrich, une saga ostrogothique. Ces deux cycles différents se seront mêlés à celui des traditions franques d'après les lois ordinaires de la formation épique et auront ainsi passé ensemble dans le Nord sous forme de chants héroïques, dont les leaders de l'Edda sont la traduction ou l'imitation en vers et la Volsunga saga et la Vilkina saga, le développement en prose. Monsieur Rastmann prétend dans son remarquable ouvrage « Die Deutsche Heldensage » en 1857 que les traditions héroïques de l'Allemagne formaient déjà une épopée complète quand elles sont passées dans le Nord. Mais cette opinion, peu probable en elle-même, est en opposition avec la plupart des faits connus, et l'auteur n'apporte pas de preuves nouvelles assez fortes pour la faire admettre. Monsieur Holtzmann avait déjà émis la même opinion. Voyez « Untersuchungen über das Nibelungenlied » 1854. Il est difficile de déterminer d'une manière précise à quelle époque ont pris naissance les premiers chants et la saga des Nibelungen. Comme il remonte à un temps où les Germains n'avaient pas encore d'histoire, les indications positives font complètement défaut. Quelques auteurs ont prétendu que le fond de la légende avait été apporté en Europe par les tribus germaniques quand elles quittèrent les plateaux de l'Asie centrale. Cette hypothèse est très probable pour les éléments mythiques de la saga de Sigurd qui, se rattachant aux anciennes croyances religieuses, appartiennent évidemment à une antiquité très reculée. Mais elle ne peut s'appliquer aux éléments purement héroïques qui paraissent d'origine plus récente et qui n'ont admis le mythe religieux qu'à une époque plus avancée de leur développement. D'autres critiques placent l'origine de la saga avant l'ère chrétienne, mais cette supposition ne s'appuie sur aucune preuve positive. L'opinion la plus probable est que la partie héroïque de la tradition des Nibelungen remonte au IVe ou au Ve siècle. Les chants auxquels elle aurait donné lieu auraient fait partie, en ce cas, de ceux que les premiers rois francs aimaient à entendre chanter pendant leurs repas, et que plus tard Charlemagne fit recueillir, comme le rapporte Eginhard. Le compilateur de la Vilkina saga affirme que ces sagas remontent au temps de Constantin le Grand. Cette mention indique seulement leur haute antiquité, mais ne peut être prise à la lettre. Eginhard parle dans les termes suivants des anciennes chansons recueillies par Charlemagne. Item Barbara et antiquissima Carmina, quibus veterum, regum actus et bella canebantur, scripsit memoriae mandavit. Louis le débonnaire, au contraire, se refusait à écouter ces chants de la Germanie païenne qu'il avait appris par cœur dans son jeune âge. Poetica Carmina Gentilia, quae in juventute didicerat, res puit nec legere, nec odire, nec docere voluit. Tegani Vita Ludovici, chapitre 19. Au commencement du IXe siècle, dans le cloître de Reichenau, l'abbé Waldo fait copier par ses religieux 12 chants en langue germanique. 12 Carmina Theodisque Lingue Formata. En 885, l'archevêque de Reims, Fulco, avertissant Charles le Simple, cite les livres allemands qui racontent comment le roi Hermenrich, par les conseils d'un confident perfide, fait périr ses descendants, tradition gothique qu'on retrouve dans les poésies du Nord. Le chant d'Hildebrand et d'Adubrad appartient également à cette époque et au cycle gothique. Saxo Grammaticus rapporte qu'en 1157, lors de la tentative de meurtre commise sur Sueno à Roskilde, le roi entendit répéter le chant de la trahison exercée par Kriemhild contre ses frères, pour l'avertir du danger qu'il courait. Déjà en 1130, dans l'île de Zeeland, un rhapsode saxon avait chanté le même lied dans une circonstance pareille. Au XIIIe siècle, le poète Marner indique plusieurs compositions poétiques ayant pour objet Dietrich de Vérone, la mort de Siegfried et la vengeance de Kriemhild, qui sont évidemment les sources où a puisé l'auteur du Nibelungenlied. Puis viennent les Märchen de la fin du Moyen Âge. Ces diverses indications prouvent que, depuis l'époque des grandes invasions des peuples du Nord au Ve siècle, jusqu'au moment où la Réforme chassa de l'esprit du peuple allemand par d'austères préoccupations et des réalités terribles, les légendes de la Germanie primitive, la fameuse saga des Nibelungen, ne cessa pas un instant de charmer l'imagination populaire, d'abord sous forme de chansons héroïques, puis sous celle de petits poèmes chantés par les rhapsodes, plus tard encore, sous celle d'une grande épopée chevaleresque, enfin comme simple conte du foyer. Puisque l'Allemagne ne nous a conservé ces vieilles légendes que revêtues des couleurs chrétiennes et chevaleresques, et que c'est à l'Islande qu'il faut les redemander avec leur caractère héroïque et païen, reste à savoir vers quelle époque les dieux et les héros antiques, chassés par le christianisme triomphant, quittèrent leur verte patrie pour émigrer vers les régions désolées du cercle polaire. On a d'assez bonnes raisons pour admettre que cette émigration des vieilles traditions épiques de la Germanie eut lieu avant le commencement du VIe siècle. En effet, les plus anciens chants de l'Edda semblent remonter au VIIIe siècle. Or, comme ils confondent déjà complètement toutes les notions géographiques du récit, cela prouve qu'ils ont été transmis oralement pendant un temps assez long chez un peuple qui ne connaissait pas les localités dont la légende faisait mention, et cela nous rejette en arrière de plus d'un siècle. En second lieu, le Beowulf-lied, rédigé en Angleterre probablement à la fin du VIIe siècle, cite les mêmes traditions que l'Edda, et démontre par là que les Anglo-Saxons qui émigrèrent dans la Grande-Bretagne au Ve siècle y apportèrent des chants tout à fait semblables à ceux qui passèrent dans les îles scandinaves, et qui devaient par conséquent appartenir à la même époque. Enfin, l'histoire de Hornandès de Rebus Getisis, écrite en l'an 552, raconte comment Hermanaric, roi des Goths, fit écarteler une noble femme, Svanhilda, par des chevaux sauvages et comment il fut frappé à son tour par les frères de cette femme. Or, on trouve dans l'Edda un récit tout semblable où apparaissent les mêmes personnages et des circonstances à peu près pareilles, ce qui indique de nouveau que cette saga gothique a dû passer dans le nord vers l'époque où Hornandès l'a consigné dans son histoire. Dans les chants de l'Edda, intitulés Hamdismal et Gudrunarvöt, on a rattaché la saga gothique à la saga franque, en faisant Svanhild fille de Sigurd et de Gudrun. Svanhild doit épouser le roi des Goths, Jormunrek, en gothique Hermanaric, Hermanaricus chez Hornandès. Mais celui-ci, jaloux de son fils, le fait pendre et fait écarteler Svanhild. Gudrun, qui après la mort d'Atli s'est remariée avec Jonakur et qui en a eu trois fils, Zorli, Hamdir et Erp, pousse ceux-ci à venger leur sœur. Zorli et Hamdir, Zamus et Amius dans Hornandès, croyant que leur frère Erp ne veut pas les aider, le tuent, puis surprennent Jormunrek. Ils le frappent, mais ne peuvent l'achever, tandis qu'eux-mêmes, invulnérables aux fers, sont tués à coups de pierre. N'est-il pas remarquable qu'on retrouve la même légende dans tous les pays où se sont disséminées les tribus germaniques, depuis les rives de l'Adriatique jusqu'aux abords du pôle? Ainsi, au IVe et au Ve siècle, quand les Germains et les Scandinaves avaient, sauf certaines nuances, les mêmes mœurs, les mêmes croyances religieuses et la même langue, les chants héroïques des bords du Rhin se répandirent jusque dans l'extrême nord, en Danemark, en Norvège et plus tard en Islande. Lorsque l'Allemagne se fut convertie au christianisme, les Danois et les Norvégiens, jadis frères des Francs et des Saxons, devinrent leurs ennemis les plus acharnés. Les communications furent interrompues pendant toute une période d'hostilités incessantes, jusqu'à ce que le commerce les rétablît après que le Nord fut à son tour converti. Mais déjà les traditions héroïques avaient pris dans les deux régions un caractère différent. En Allemagne, l'Église avait essayé, comme Louis le Débonnaire, de chasser de la mémoire du peuple les souvenirs des héros des temps païens, et, ne pouvant y parvenir, elle avait du moins substitué aux mœurs antiques les habitudes et les sentiments du chevalier chrétien. Ainsi modifié d'abord par l'influence ecclésiastique, puis plus tard par les idées régnantes dans les cours chevaleresques, les chants épiques, plus longtemps remaniés, aboutirent en Allemagne au récit plus adouci du Nibelungenlied. Dans le Nord, au contraire, les mœurs violentes des temps héroïques se maintinrent plus longtemps, par suite des expéditions audacieuses des Vikings, dont l'indomptable courage faisait trembler l'Angleterre et tout l'empire de Charlemagne. Étant en rapport avec les sentiments et avec les actions de ces guerriers farouches, les chants antiques furent conservés par les Skalds sans qu'ils dussent en altérer la rudesse et la grandeur épique, et ils furent recueillis dans l'Edda et dans les sagas en prose, précisément au moment où la foi nouvelle et une civilisation plus pacifique allaient altérer ces vestiges abrupts d'un passé évanoui pour jamais. Lorsqu'on a vu comment se sont produites et répandues les légendes épiques des Nibelungen, on est porté à se demander ce qu'elles contiennent. Sont-ce les souvenirs idéalisés d'événements historiques ou seulement les fictions de l'imagination populaire? Ces héros dont elles rapportent les actions, sont-ce des personnages qui ont vécu dans le monde réel ou des figures mythiques créées par le génie poétique des races du Nord? Ce que nous avons dit précédemment de la formation de l'épopée fera comprendre que, pour résoudre ce problème, il faut toujours distinguer avec soin les parties diverses des compositions et la période du développement épique dont on s'occupe. Examinons le Nibelungenlied. Il se compose, comme nous l'avons déjà indiqué, de trois cycles différents de tradition. Les unes franques, rattachées au nom de Siegfried, les autres burgondes, concernant Gunther, ses frères et leur lutte avec Attila, les troisièmes gothiques, qui ont pour objet Dietrich et les héros Amelungen, les Amalies de Rhornandès. Pour ce qui est des sagas burgondes et gothiques qui forment la seconde partie du Nibelungenlied, il ne peut y avoir de doute. Elles se rapportent évidemment à des personnages et à des événements historiques qu'elles représentent plutôt, à la vérité, d'après l'impression qu'ils ont produite sur l'imagination populaire que d'après la réalité des faits. Dans le recueil des lois qu'il fait faire, Gondebaud, roi des Burgondes, parle de ses prédécesseurs et les nomme Gibica, dans lequel on reconnaît le Giuki de l'Edda et le Gibico, père de Gunther, qui paraît dans le Valtarius Manufortis. Godomar, qui est Gernot, le Guttorm de l'Edda, Gislehar, qui est Giselher, et Gundahar, qui est Gunther. Le Valtarius Manufortis est un poème en vers latin rédigé par Ekehard Ier, abbé de Saint-Gall, dans la première moitié du Xe siècle. Les trois rois qui siègent à Worms dans le Nibelungenlied sont donc ici désignés dans un document historique. Mais il y a plus. Les historiens parlent d'un roi des Burgondes du nom de Gundikar, qui, vaincu par les Huns en 435, aurait été exterminé avec toute sa famille et tout son peuple. Voyez les textes dans Wilhelm Grimm, Die Deutsche Heldensage. Voici les paroles de Prosper d'Aquitaine. Eodem tempore. En 435, Gundicarium Burgundionum regem intergallias habitantem Aesius bello obtrivit, passemque ei supplicanti dedit, qua non diu potitus est siquidem illum cuni cum populo suo extirpe deliverunt. Voilà probablement le fait historique qui a donné naissance au récit du massacre des rois burgondes et leur suite par Hetzel, fait qui forme le sujet de la seconde partie du poème et qui lui a donné son nom, Nibelungenlied, c'est-à-dire détresse, désastre des Nibelungen. Le souvenir du massacre de Gundikar et de son peuple, grossi par celui de la fameuse bataille des Champs cataloniques, où, d'après Rhornandès, les blessés se désaltérèrent en buvant du sang, comme dans le poème, a donné naissance à l'idée d'une immense catastrophe qui a pris peu à peu la forme que nous lui voyons dans l'épopée. L'Hetzel du Nibelungenlied est évidemment l'Attila de l'histoire, tel qu'il apparaît dans Priscus où son frère et sa femme, le Blede et l'Elche de la légende, s'appellent Bleda et Herka. La résidence que lui attribue le poète en Hongrie, au bord du Danube, la puissance qu'il exerce, le grand nombre de rois qu'il a pour vassaux, tout correspond à l'image qui nous a été conservée du roi des Huns. Seulement, de même que les romans français de la féodalité ne donnent à Charlemagne qu'un rôle très effacé, de même ici, dans la tradition germanique, Hetzel, païen et barbare, se montre bien lâche à côté de la prodigieuse valeur des héros burgondes et goths. Dietrich von Bern est Théodoric de Vérone, désigné ainsi sans doute parce que c'est près de cette ville qu'il vainquit Odoacre. Mais, sauf la force et la vaillance extraordinaire du héros, qui exprime l'impression qu'a dû faire sur l'imagination populaire le souvenir du règne glorieux de Théodoric le Grand, rien dans la légende de Dietrich, fugitif à la cour d'Etzel, ne rappelle la vie du roi des Ostrogoths. Un personnage secondaire, Ehrenfried von Thüringen et Pilgrim de Passau, sont également empruntés à l'histoire. Le premier est le roi de Thuringe, Irmenfried, chassé de son pays par le roi austrasien Théodoric vers 530, et le second est un évêque de Passau, qui vécut au Xe siècle et qui par conséquent n'est entré que très tard dans la saga. Les chroniqueurs parlent bien aussi d'un Rutgerus de Préclara, marquis en Autriche, qui serait le chevaleresque seigneur de Berleren, mais Lachmann et Wilhelm Grimm sont d'accord pour admettre que la chronique a emprunté ce personnage à la légende. Volker, l'ami de Hagen, serait aussi un personnage historique qui n'aurait pénétré qu'assez tard dans la tradition épique des Nibelungen. Il n'apparaît dans aucun des monuments de la saga scandinave. Les seigneurs du bourg d'Alzey, près de Worms, portaient un violon dans leurs armoiries, et d'après la supposition très fondée de Wilhelm Grimm, c'est un chevalier de cette famille que le poète aura voulu illustrer en l'admettant dans le poème. De même que Cornelius a peint la figure du roi Louis de Bavière dans son tableau du Jugement dernier à Munich. On comprend dès lors pourquoi Volker porte sans cesse son violon dans les combats et pourquoi son archer lui tient lieu d'épée. Ainsi, en résumé, la catastrophe qui fait le sujet de la seconde partie du Nibelungenlied et les personnages qui y figurent émanent des traditions burgondes et gothiques, dont la source primitive sont des faits historiques. Ces résultats acquis, si l'on veut aller plus loin et rechercher les origines de la première partie du poème et de la saga franque qui en est la base, on est bientôt réduit à des conjectures. Le problème, à vrai dire, paraît insoluble. Sur Siegfried, sur Brunhild et Kriemhild, l'histoire ne fournit aucune indication. On ne peut cependant se faire à l'idée que ces figures si vivantes, si dramatiques, ne soient que de vains fantômes évoqués par l'imagination populaire ou des mythes, des images de certains phénomènes naturels remontant aux époques primitives. Cela serait contraire à tout ce que nous savons sur les origines des autres épopées nationales et aux exemples cités plus haut. Mais si les personnages réels dont ces figures épiques sont les images idéalisées ont passé sur la scène de ce monde, comme il est probable, c'est à l'époque où les tribus franques, errant des bords du Rhin à ceux de la mer du Nord, n'avaient d'autres témoins de leurs exploits et de leurs aventures que les rhapsodes qui nous en ont conservé les poétiques souvenirs. Quelques auteurs ont prétendu que c'est la tradition des victoires du chef des Chérusques Hermann et du Batave Civilis qui aurait donné naissance au personnage de Siegfried, dont le nom « Sieg » signifie « victoire », symboliserait le triomphe des Germains sur les légions de Rome. Mais ce sont là de pures hypothèses que rien ne confirme, et si l'on veut se livrer à des suppositions de ce genre, mieux vaudrait encore, avec le chroniqueur du Palatinat, Frecher, voir dans Siegfried le roi austrasien Siegbert, l'époux de Brunehaut, qui était représenté sur la pierre de son tombeau dans l'église de Saint-Médard à Soissons, les pieds appuyés sur un dragon. On pourrait admettre alors que les luttes sanglantes de Brunehaut et de Frédégonde sont le fondement historique des légendes sur la rivalité de Brunhild et de Kriemhild, qui amène la mort violente de Siegfried et ses suites terribles. Il est en effet assez probable que l'écho de ces événements, qui ont dû frapper d'épouvante l'esprit des contemporains, se retrouve dans l'épopée. Mais quand on veut découvrir ainsi dans l'histoire des rois francs les sources de la saga des Nibelungen, il faut se contenter de ces concordances générales. Il est impossible de poursuivre la confrontation dans les détails, car toute donnée sérieuse manque à la critique. Les descendants du roi norvégien Ragnar Lodbrok prétendaient, il est vrai, que leur aïeul était issu du sang de Sigurd par sa fille Aslaug. Mais dans l'Antiquité, nous voyons que les grandes familles faisaient aussi volontiers remonter leur origine à quelques divinités. Et cette prétention prouve seulement qu'à certaines époques, la croyance à l'existence réelle des personnages mythiques est générale. On peut en conclure qu'il existe alors chez tout le monde une disposition identique à croire à la réalité d'un certain ordre de faits, mais non point que ces faits aient réellement eu lieu. Il est cependant probable que la saga de Siegfried et de Brunhild a sa racine dans le monde réel, car à l'origine de toute tradition épique, nous trouvons des chants nationaux se rapportant à des événements historiques, et d'autre part, il n'y a pas d'exemple certain d'une divinité mythique transformée en héros épique. Seulement, il faut admettre, en tout cas, que la tradition de ces personnages réels s'est modifiée sous l'action de mythes plus anciens. Les uns n'ont voulu voir dans Siegfried qu'un mythe solaire, les autres ont cru y retrouver Sigebert ou Saint-Victor. On peut admettre qu'un personnage historique qu'on ne peut déterminer a donné naissance à la légende, mais qu'un mythe solaire a présidé à son développement.